Can you feel it in the air? Our love is falling everywhere. 'Cause you don't want me. No, you don't want me. Can you feel it in my soul? It's getting dark, it's getting cold. 'Cause you don't want me. No, you don't want me anymore. Absence d'une personne attitrée à être l'une de vos préférées vies. Du cancer à la vieillesse, on prie pour qu'ils reviennent en vie. On se sent si seul sans eux, mais for real, ça va aller mieux. La mort d'un proche affaisse, on en souffre tellement que ça nous blesse. Intellectuellement, mentalement, on pense ne pas revenir. Normalement, ça prend beaucoup de temps, mais ça va passer. S'ils veillent sur nous pour toute l'éternité, yeah. Yeah, même s'ils ne sont pas présents, on les a dans notre sang éternellement. Ils nous ont tous sur leurs épaules, ils veillent à ce qu'on reste en vie. Quand je vois la lune, je me vois là-haut comme mon étoile préférée qui prend soin de mon âge. Le ciel va l'illustrer à travers des millions d'étoiles. Je te vois de là-haut, tu manques tellement, tu étais si loyal. Maintenant tu voles avec tes ailes déployantes. Promets-moi de ne pas abandonner les tiens et ceux qui t'entourent, comme ton ombre qui ne t'abandonne jamais. Yeah. Love is falling everywhere. 'Cause you don't want me. No, you don't want me. Can you feel it in my soul? It's getting dark, it's getting cold. 'Cause you don't want me. No, you don't want me anymore. Habitué d'aller te voir te serrer dans mes bras, mais t'es plus là, so j'essaie de me consoler dans d'autres bras. J'ai le cœur lourd, t'as pas idée, tu me manques tellement, pis ça me fait chier, mais c'est la vie, faut pas s'en faire. Dieu fait le souli, faut pas t'en faire. J'ai des souvenirs de nous quand on a fait les fous, mais ton siège est vide, ça me fait mal, je me fais prendre à tous les coups. Chaque fois je me réveille d'un rêve, je pense que t'es là à tous les coups. C'est toi mon ange gardien qui veille sur moi pour le bien. Tu déploies tes ailes comme personne, chaque fois je te parle, tu m'impressionnes. La vie sans toi est comme le néant, je me vois nulle part. Tous les gens dans le monde finissent par être vieillards. Je t'ai vu l'autre jour, tu t'es envolé, tu m'as dit au revoir, pis je voulais pas trop y croire. Là-haut j'ai quelqu'un entre les millions d'étoiles que jamais je n'oublierai de toute ma entière life. Comme on dit, la mort n'est pas une fin, elle est le début d'une autre vie dans un monde de paix. Ouais, yeah. Can you feel it in my soul? It's getting dark, it's getting cold. 'Cause you don't want me. No, you don't want me. No, you don't want me. Yeah, yeah, anymore.